Putain, épargnez-moi vos colibés. Y'a pas plus de ça en messe que de Yeti au Tibet. Quand des pédophiles gobent le steam, on soupe et termine au bidet. Des ministres s'engraissent avec des transactions prohibées. Le tapin et les faux billets. La veillée comme un tournoi de gladiateurs au Colisée. Des pantoufles sans pivre et les gueux vaca cotisés. Pour des frais inopinés. Des chapardeurs de corps et culpabilisent au piqué. Ainsi soit le réquisitoire du DROID. Même si les dubitatifs s'agglomèrent en comité. Pour huer mes conjectures de gorée intoxiquées. Mais ils sont vraiment meilleurs que les autres. Les bordels l'auréole. Nous ne vont guère, mais il est certain que nos caprices nous coûteront cher. Les bordels auréoles, nous ne vont guère, mais il est certain que nos caprices nous coûteront cher. Salariés efflanqués, écroués pour vol de vivre, des pervers fortunés acquittés alors qu'ils violent des filles, les culbutent comme des quilles, effacissent leur côté au rhum des îles, en implorant le pardon d'un hippie en couronne d'épines, dont les effigies sont placardées sur les coupoles d'église, afin de nous rappeler que soi-disant nous sommes ses fils. Affirmer l'inverse est passible de ses vices. Pour une religion du fric ou des litiges, des voisins se plombent et s'endeuillent sur les tombes, d'une fratrie déchiquetée par ses propres bombes. Cessons de jouer du tout puissant. Les bordels auréoles, nous ne vont guère, mais il est certain que nos caprices nous coûteront cher. Les bordels auréoles, nous ne vont guère, mais il est certain que nos caprices nous coûteront cher. Personne n'est entièrement diabolique, ni entièrement saint. Nous sommes tous capables du pire comme du meilleur.